place. Logne avait dit, venez donc pour danser et swinguer toute la nuit quand le zoo sera fermé. Si vous aimez la danse, le rock ou le disco, venez voir en cadence jouer les animaux. L'éléphant joue de l'olifant, la girafe tape sur la carafe, le canard éteint la guitare et ça danse en cadence 1, 2, 3. Ça balance sur les branches dans les bois. Quand la nuit est venue, on a eu beau fouiller, plus d'animaux ont vu, ils étaient tous cachés. Et ça danse en cadence 1, 2, 3. Ça balance sur les branches dans les bois. Quand la nuit est venue, on a eu beau fouiller, plus d'animaux ont vu, ils étaient tous cachés. La cigogne avait dit, venez donc pour danser. Ça balance sur les branches dans les bois. Quand la nuit est...